caresse au corps infini, que les vents blessent sans cesse. Quelle ivresse, quelle délicatesse. Ces tornades qui l'élèvent jusqu'au tréfonds des cieux, ces mascarades qui le rendent plus que parfait. Derrière le vitraux du silence, on aura beau le froisser d'outrage, le manier comme un modelage, cet homme fier ne saura se défaire de sa belle image première. D'outrage, le manier comme un modelage, cet homme fier ne saura se défaire de sa belle image première. Que soit rendu l'amour, l'amour, pour que c'est la colombe blanche, que soit rendu l'amour, l'amour, pour que les fêtes commencent.